Et si tout le monde veut se défendre, il n'y a plus personne qui va attaquer. Il n'y a donc plus aucune raison de se défendre. Se défendre contre qui? Pas contre les Russes. Ils n'attaqueront pas, ils ont des armées pour se défendre. Contre qui, eux autres? Mais pas contre les Américains. Les Américains n'attaqueront pas, ils ont des armées pour se défendre. Alors, il faut croire que l'insécurité humaine est une grande stimulation pour créer des emplois. Et l'économie militaire, est-ce qu'il y a de mieux? Premièrement, tout ce qui est militaire est sujet à être détruit. Donc, la consommation est parfaite. C'est rentable. Étant donné que les pays ont un pouvoir et une puissance, ils ne veulent pas la perdre, exactement comme les êtres humains. Qu'est-ce qui certifie à l'humain qu'il ne perdra pas ce qu'il a acquis? C'est la loi. Qu'est-ce qui certifie à un pays qu'il ne perdra pas ce qu'il a acquis? C'est l'armée. Alors, nécessairement, le pays qui est riche est prêt à payer le prix de sa richesse, une armée puissante. Il faut comprendre aussi que l'armée étant un facteur sécurisant, donc l'armée étant ce qui supporte l'insécurité des nations, une grande partie de l'argent est investi à cause de l'insécurité des nations dans ce qui la sécurise, l'armée, et une grande partie donc des recherches technologiques vont être stimulées par la guerre, la défense, et ces recherches-là vont pouvoir, à un moment donné, être exportées des forces militaires pour pouvoir servir le peuple. Si on n'aurait pas l'armée, si on n'aurait pas la recherche militaire, une grande partie, sinon la moitié de toutes les inventions que nous nous servons aujourd'hui n'existeraient pas. Les navettes spatiales américaines sont là pour le phénomène militaire. Elles serviront à l'homme. Présentement, l'homme ne peut pas conquérir la Lune autrement que d'une façon militaire. Il ne peut pas conquérir l'espace que d'une façon militaire. Pourquoi? Parce que nous sommes présentement la planète Terre, un peu l'ancienne Espagne, et nous voulons non pas explorer, mais conquérir l'espace. Nous ne voulons pas explorer Mars, mais conquérir Mars. Alors que la France venait planter son drapeau au Québec, l'Angleterre le plantait en Floride. Alors, lorsque le premier module lunaire est atterri sur la Lune, les Américains ont planté leur drapeau. Lorsque les Russes ont envoyé des robots, ben, ils ont planté leur drapeau. Et c'est toujours des quêtes pour conquérir. L'être humain, présentement, n'est pas encore suffisamment intelligent. Il est intellectuel, mais il n'a pas encore suffisamment d'intelligence chez lui pour comprendre les conséquences de ses actes, pour devenir un être écologique. Un être qui va mettre de l'ordre dans sa maison. Sa maison est la planète. Nécessairement parce que l'être humain se connaît. Il sait que de temps en temps, il bat sa femme, il bat ses enfants, il bat son mari. Il sait que de temps en temps, il donne des coups de pied à son automobile parce qu'elle a osé avoir une crevaison. Il sait que de temps en temps, il gueule contre la température parce qu'elle n'est pas très à son goût. Sachant qu'il est toujours très colérique chez lui, il sait que les autres sont comme lui, alors il a la police. Il sait que les autres peuples sont comme lui, alors il a l'armée. L'armée est l'expression de l'absurdité de celui qui la possède. Dans un peuple où il y a de l'armée, nécessairement, il doit y avoir la guerre. Toujours. Et c'est pourquoi, dans les années à venir, ou les armées devront être dissoutes, ou les armées devront être détruites. Elles se détruisent elles-mêmes, mais elles ne se dissolvent pas. À un moment donné, il y a une personne qui a dit que la guerre était un sujet trop sérieux pour la laisser entre les mains des militaires. Le problème, c'est qu'elle est passée entre les mains des politiciens. Ce qui n'est pas mieux. Lorsqu'un peuple a une grande armée, et lorsque cette armée n'entre pas en guerre, lorsqu'un peuple qui a une armée ne s'en sert jamais pour faire la guerre, ça dégénère, et ça l'a toujours dégénéré dans le passé en guerre civile. L'armée prend le pouvoir si on ne lui donne pas des chevreuils à tuer, si elle n'a pas quelque part à mordre. C'est pourquoi les grandes nations se sont toujours intéressées à sauver les autres pays. Comme quand les Russes sont arrivés en Afghanistan, ils arrivaient pour libérer l'Afghanistan. De quoi? On le saura peut-être jamais. Mais ils ont été pour libérer l'Afghanistan. Les Américains sont occupés du Vietnam, sont occupés de la Grenade, ils s'occupent présentement de la Libye. Tant que l'armée d'un peuple est occupée, ça fonctionne. Et si un peuple élimine son armée, les autres peuples vont l'envahir. C'est une chose qui doit se faire en même temps. La Terre doit se démilitariser. Ou bien elle va rester militarisée. Pourquoi l'argent pour l'armée? Parce que l'argent pour la sécurité. L'argent, en réalité, pour l'insécurité. Les médicaments, c'est de l'insécurité, alors ça fonctionne. Les cosmétiques, c'est de l'insécurité, alors ça fonctionne. Parce que la majorité des êtres humains qui s'en servent sont des êtres humains qui ne peuvent pas accepter la réalité et ils la camouflent. Camouflent leur corps physique, camouflent un paquet de choses. Se font remonter le visage, se font mettre des ongles, se teignent les cheveux. Je ne parle pas juste des femmes, je parle aussi des hommes, sans compter tout ce qui fait référence à l'habillement. Ce sont les puissances financières. Lorsqu'à un moment donné, on a dit « on doit arrêter de fumer », il aurait fallu qu'on dise, on interdit la cigarette, mais continuez à en acheter. Parce qu'il y a une grande partie de l'économie qui repose là-dessus. Alors, c'est la même chose pour les forces militaires. On ne peut pas prendre de l'argent pour le mettre ailleurs, ça ne créerait rien. Quelle raison l'homme social, quelle raison les sociétés aujourd'hui ont-elles de continuer leur évolution? La vie dans une société devient mautatiquement plate s'il n'y a pas le risque de guerre. Le risque de guerre stimule l'humain. La guerre le stimule encore plus. J'ai dit souvent que pendant les guerres, il n'y avait pas de suicides. En temps de paix, il y a des suicides. En temps de paix, il y a des démoralisations. En temps de paix, il y a des chicanes, il y a des absurdités sociales. En temps de paix, il y a l'homme qui meurt lentement à petit feu et qui recherche continuellement de la distraction. Il a besoin, il s'abreuve à se distraire. Il meurt d'ennui. Et alors, nécessairement, si on élimine la force militaire, on élimine en même temps les problématiques de la guerre. Et si on élimine la problématique de la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez la planète Terre demain matin. Il n'y a plus aucun risque de guerre nucléaire. Imaginez la Terre demain matin, il n'y a plus aucun risque d'apocalypse. Il n'y a plus de risque. Du jour au lendemain, la majorité des télévangélistes n'ont plus de raison d'être là. La majorité des sectes n'ont plus de raison d'être là. La majorité de tout ce qui permet à l'humain de supporter sa condition, presque plus de raison d'être là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on n'y a plus le système militaire, s'il n'y a plus de danger de guerre? Eh bien, on vit en paix. Ouais. Vous savez que pour l'être humain, une paix éternelle n'a aucun sens. Parce que sa paix ne peut être perçue par lui que s'il y a un risque de guerre. Son bonheur ne peut être perçu par lui que s'il connaît le malheur. Une paix éternelle, à faire quoi? Eh bien, on ferait de la musique. Puis quand tu es écœuré de faire de la musique, tu fais quoi? C'est pas long qu'on retournerait dans les arènes, que ça s'appelle des arènes de boxe ou des arènes de hockey, ou etc. C'est pas long qu'on repermettrait la chasse. Pourquoi l'être humain va chasser? Il faut prendre de l'air avec un fusil. Il manque pas de viande. Puis quand il n'y a pas d'animaux, ils tirent les hauts des fils électriques. C'est pas les pancartes de signalisation routière. Vous allez dans le territoire de chasse, les pancartes de signalisation routière sont faciles à reconnaître. Ce sont les plaques de métal avec de la peinture dessus et plein de trous dedans. Alors, il y a énormément d'argent pour la guerre. C'est essentiel parce que la guerre est présentement l'assurance de vie de l'homme. On en a besoin pour, en tant qu'animal humain, pouvoir continuer à se donner l'impression que nous avons de la puissance, que nous avons un libre arbitre et que nous avons mainmise sur ce que nous voulons faire en tant que peuple. Et en tant que société puissante, riche, c'est une farce, une lubie. Mais le collectivisme en a besoin. C'est ce qui protège la société d'elle-même. Lorsqu'à un moment donné, une société neuve, une société nouvelle, une société intelligente pourra recouvrir un peu plus le monde planétaire, nécessairement les forces militaires disparaîtront. Par contre, l'armée restera. Il faut faire attention. L'armée, c'est génial. Lorsque c'est fait pour servir en cas de tremblement de terre, en cas d'incendie, en cas de cataclysme, en cas de choses comme ça. Sauf que l'armée veut tellement aider l'humain, il veut tellement aller aider ceux qui sont mal pris, qu'il leur lance une bombe ou deux, et après ça, ils sont mal pris, là, il va les aider. Je déménage à Rimouski. Je connais un fermier qui a beaucoup de bœufs. Alors, la personne, elle peut s'arranger pour devenir riche. Peut-il y avoir un lien à faire brûler de l'encens à Shambhala, bon ou mauvais pour moi? Merci. Je vais expliquer une chose. Il y a, premièrement, Shambhala, c'est le conservateur des forces de forces d'involution, de forces qu'on peut appeler de forces du mal aujourd'hui. Ce sont des forces qui ont une température évolutive d'un certain degré, et voilà quelques milliers d'années, l'être humain était un peu plus froid. Alors ces forces étaient yaviques, donc positives. Lorsque l'humain est arrivé au même niveau, Shambhala a tout fait pour que l'humain cesse d'évoluer, pour le conserver à son niveau. Parce que l'humain a continué à évoluer, Shambhala ainsi que l'Agartha d'ailleurs, qui sont les forces arimaniennes, font tout maintenant pour conserver l'humain. Alors, ils ont une tendance à ressurgir un peu plus dans la tête des gens et dans le public pour pouvoir bien dire aux gens qu'est-ce que les gens doivent faire. Brûler de l'encens, bon, l'encens ne vient pas de Shambhala, ça va soi, même si elle peut porter ce nom. Parce que Shambhala est une société éthérique qui vit, qui existe plus ou moins sous la Terre, dans la région du pôle Nord. Lorsque une personne fait brûler de l'encens pour se préserver, regardez ceci et ça marche pour n'importe quoi. L'argent, c'est la même chose. La personne qui décide de devenir riche et qui dit, bon, ben, je vais prendre un talisman qui amène de l'argent. Et je vais m'en servir. Alors, elle prend son talisman, elle en fait des copies, puis elle met ça à chacune de ses fenêtres, elle met ça en dessous de son tapis, elle fait même un tapis pour le mettre. Et puis, elle a ses talismans pour attirer l'argent. Il y a juste une chose. C'est que les riches ne font pas ça. Sont riches. Seuls les pauvres prennent un talisman pour attirer l'argent. Donc, la personne, elle reste dans l'attitude du pauvre. Même avec son talisman. Elle n'a pas l'attitude du riche. Le talisman ne marchera pas. L'encens pour se protéger ou pas encore pour purifier ou ceci ou cela. Il y a une personne qui, à un moment donné, était bien chez elle. Mais un jour, elle s'est levée de mauvaise humeur. Elle s'est recouchée. Puis elle disait, comme tous les humains, mais ne connaissant pas les voisins, qui sont plus beaux dans les maisons des autres, elle s'est dit, il y a des mauvais esprits dans ma maison, qui de temps en temps viennent m'écraser, puis tu sais, je les sens. Alors, elle a décidé de fabriquer de l'encens. Un encens particulier. Et elle fait brûler l'encens. Puis là, ça marche, elle se sent mieux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, elle va avoir l'impression que les forces, elle les a repoussées dehors, et entoure maintenant sa maison. Puis toutes les fois qu'elle sort, elle sait qu'elle doit les traverser. Alors, elle va mettre maintenant un petit talisman sur elle. Elle s'en va dans une librairie ésotérique, et puis elle demande au gars, ben non, un piège au hasard. Et puis elle se met un talisman qui la collectivise avec ceux qui ont le même talisman, mais ça ne le sait pas. Et puis là, quand elle sort, ben, elle a l'impression d'avoir un... Hein? Ça marche, ça marche. Elle est contente, elle a au moins une technique qui marche. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'elle a l'impression que les forces du mal l'entourent, mais elle est libre. Mais la personne qui est assise là-bas, elle est dans les forces du mal. Fait que là, il faut qu'elle se rapproche. Il arrive quoi? Il arrive simplement que de plus en plus, elle attire à elle, vers elle, les forces problématiques qu'elle veut repousser. Alors, avec son encens, elle finit par attirer tout ce qu'elle veut repousser, sauf que dans la région où il y aura cet encens, les choses qu'elle voudra repousser et qu'en réalité elle a attirées ne pourront pas être là. Cela veut dire qu'au plus le temps va avancer, plus elle aura besoin de faire brûler de l'encens. Il y a une personne qui ne croit pas aux vampires, qui ne croit pas aux sorciers, qui ne croit pas à la sorcellerie, qui ne croit pas aux forces du mal, qui ne croit pas à Satan ni aux démons. À un moment donné, elle décide de fabriquer de l'encens d'église dans sa maison, pour le fun. Ça fait une atmosphère particulière. Oui, une atmosphère qui est satanique. Mais l'encens d'église. Mais l'encens d'église est fait pour repousser Satan. Exact. Ça repousse Satan. Mais partout où il y a de quoi pour repousser Satan, Satan vient. Et il reste là. Plus les églises sont vieilles, plus elles sont entourées de forces sataniques. Pas dans l'église, on brûle de l'encens. La personne n'avait pas de problème, parce qu'elle a voulu mettre de l'encens pour éliminer des problèmes, elle attire les problèmes. Elle en aura de plus en plus besoin de son encens, de plus en plus besoin de ses talismans. La meilleure chose que l'être humain peut faire avec un talisman qui sert à la protéger, un condensateur d'énergie, c'est autre chose. Un talisman qui sert à la protéger, c'est de le prendre puis de le jeter. Ah, mais là, je me sens nerveux, je me sens inquiet, je me sens... Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, tu vas apprendre à te supporter toi-même. Et puis, quand tu as acheté ton talisman, tout ce qui allait avec est parti aussi. De quelle façon pouvons-nous manipuler quelqu'un? Eh bien, c'est simple. Disons que je fais partie d'une vieille religion, et une personne vient me voir, et puis je lui dis, mets ce petit pendentif à ton cou, il va te protéger. Toutes les forces que nous avons rejetées en tant que religion, les forces du mal de cette religion, l'entourent maintenant. Alors, voilà, c'est peur qu'elle va venir prier. Et là, je la possède. Et c'est l'histoire de la majorité de ces choses-là. Quand on prend de l'encens et qu'on la fait brûler, l'encens, vous savez une chose, ce sont des particules de poussière qui sont consumées. Hein? C'est le bâtonnet, ça arrive, ça donne du carbone un peu partout dans l'air. Et d'autres particules de poussière qu'on va sentir, et c'est l'odeur de l'encens. L'encens, c'est le moyen le plus parfait de polluer sa maison. Parce qu'on fait brûler des cochonneries dans l'air, et puis là, il y a de la fumée, et puis on sent ça, ça sent bon, mais on se pollue au coton. C'est comme si on respirait, c'est la même chose. Alors, ceux qui font brûler de l'encens souvent chez eux et qui ne fument pas, cessez de parler contre les fumeurs. Vous, vous n'êtes pas des fumeurs, vous êtes des enfumeurs. C'est très important ce que je dis, il y a énormément de solutions qui ne servent qu'à ceux qui ont des problèmes. Mais le problème, c'est que la solution, elle amène le problème de façon à ce qu'ils puissent s'en servir. La manipulation sur la Terre, elle fait ceci. Quasiment toutes les solutions, comme les gouvernements, comme les syndicats, toutes les solutions, presque, sont là pour entretenir la condition qui nécessite sa présence. La majorité des médicaments rendent malades. Alors, on aura besoin de médicaments. Ça serait-il la manière idéale de faire un échange d'énergie? C'est pas la manière idéale. Si le projet OFSA fonctionne convenablement, c'est une bonne manière. La manière idéale, c'est d'essayer de placer la solution dans une région ou dans un endroit ou dans une solution. On ne peut pas. Mais c'est une bonne manière si les gens qui sont dedans sont intelligents. Il faut faire attention. On ne peut pas avoir, on aurait la meilleure solution du monde si on n'a pas les gens pour l'appliquer. La solution ne vaut rien. Quand on voyage à l'étranger, on n'a pas de contact avec les gens de ce pays. Est-ce une perte de temps et d'énergie? Si, quand on voyage à l'étranger. Bien, si, quand on voyage à l'étranger, on n'a aucun contact avec le peuple ni avec l'énergie tellurique de la place, ben, c'est pas génial. Je ne dis pas que c'est une perte de temps, mais une chose qui est certaine, c'est que quand vous allez voyager, arrangez-vous toujours au moins un peu pour aller fouiller dans les paniers des autres. C'est très enrichissant énergétiquement. Va-t-on subir une crise économique dans les prochaines années, c'est-à-dire dans 1 ou 2 ans? L'énergie financière va-t-elle être transférée par carte magnétique? Ça, il y a beaucoup de personnes qui font un grand chiale avec ça, où à un moment donné, ben, je vais prendre ma carte de banque, ma carte magnétique, et puis je vais payer avec ça, ou le payer avec l'argent en poste, liquide. L'argent liquide, avant, c'était du vin, hein? Mais c'est plus liquide, c'est de l'argent papier, donc on se comprend pas. Qu'on ait une carte ou qu'on ait de l'argent en papier, ça ne change pas grand-chose. On va perdre sa carte, on va se la faire voler, on va en dépenser un peu trop, on va se la faire retirer parce qu'on va trop avoir dépensé avec, mais c'est la même chose. La carte magnétique n'est pas la solution intelligente à l'humanité. Tout à l'heure, j'expliquais que la manipulation de l'énergie financière, on avait eu tout ce que j'expliquais qui nous permet d'arriver à comprendre de quelle façon on marche. Ceux qui sont relativement vite peuvent faire de l'argent dans notre société ici. Avec ce que j'ai dit dans la première partie, je ne peux donner des solutions. Je déteste donner des solutions comme ça tout craché, que tout le monde se garoche pour le faire. Il y en a qui se partent avant la fin de la conférence, puis c'est pas correct. On peut écouter. Qu'est-ce qui est intelligent? Il est intelligent qu'à un moment donné, parce que l'être humain ne peut pas amener ses bœufs avec lui, il amène du sel, le salaire. Alors, les Romains étaient payés en sel parce que le sel était extrêmement rare et puis ils étaient tout contents d'en avoir. C'était le salaire. L'argent liquide, on payait aussi en vin, on payait en huile, etc. Mais lentement, on invente l'argent, la pièce d'or. Les Romains, encore une fois. On invente la monnaie. Et il arrive que maintenant, on peut échanger l'argent. Sauf que l'énergie humaine, la société elle-même, perd énormément en importance ou en utilité. Et c'est l'argent qui prédomine. Alors que dans l'Antiquité, on voulait bâtir une ville, une cathédrale, on voulait se bâtir un pont. On voulait se bâtir un système d'aqueduc pour alimenter nos terres. Maintenant, fric, argent. Le système d'aqueduc, ben là, il coûte cher à tabarnouche. On va commencer par cette terre-là, là-bas, puis dans 300 ans, on arrivera chez toi. Fait que là, il faut que tu payes pareil, parce qu'on est collectif, puis bon. Alors, il y en a qui ramassent, il y en a qui ne ramassent pas, puis là, on invente la diplomatie, on invente nécessairement les élections comme on connaît là, où la grande gueule fait plein de promesses, et puis ceux qui veulent avoir des promesses, même s'ils savent que c'est pas rentable de voter pour quelqu'un qui promet, ben, il vote pour, puis finalement, ben, il peut pas, puis c'est ci, puis c'est ça, puis on s'amuse. On en arrive à un point où la société ne peut plus avancer convenablement parce qu'elle est limitée par les individus qui veulent tellement avoir d'argent, tellement ramasser immédiatement, que ça ne laisse plus la société la possibilité de faire quoi que ce soit. La société intelligente, c'est comment? J'ai déjà donné un exemple chez GM ici, par exemple, à Beaubriand, c'est une chose qu'on peut faire, l'exemple des robots. Chaque employé décide d'acheter un robot qui le remplace. Alors, les employés qui achètent le robot, ben on met le robot là, et puis eux autres, ils prennent une partie de leur paye plutôt, puis ils la mettent de côté, puis ils la mettent de côté, puis ils la mettent de côté, puis une bonne partie de leur paye, ils se privent, ils se serrent la ceinture. S'ils pourraient faire ça, on peut faire ça n'importe où, et c'est de toute façon ce qui devrait arriver sur la planète, parce que sinon, on va encore retourner à l'époque de l'âge de pierre. Alors, si chacun est capable de prendre une bonne partie de sa paye, puis la mettre pour un robot, quand il y en a suffisamment d'argent, la compagnie, elle investit, et puis on achète le robot. Le robot, il est programmable, donc quand on change de modèle de taux, le robot, on pitonne, puis on change tout. Une fois que ça s'est fait, les robots travaillent mieux, plus vite, puis ils se fatiguent jamais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, la compagnie, elle continue à payer ses employés. Les employés, ils travaillent plus. Ils ont un robot. Ils ont investi dans un robot. Payez le robot. Alors, je gagnais 400 $ clair par semaine. Je gagne toujours 400 $ clair par semaine. C'est mon robot qui travaille. Moi, je vais au golf. Ça, on appelle ça une société de loisirs. Une société où, nécessairement, tout le monde doit coopérer. Mais l'entreprise, le patron, s'il n'est pas suffisamment écologique, il va dire, bien, c'est les robots, là, ils peuvent tout faire. Moi, ils achètent, moi, les robots. Je vais éclairer le monde. On ne peut pas, si je claire le monde, s'il pense conséquentiellement, quand je dis que l'humain n'est pas encore assez intelligent, il est très intellectuel, s'il pense conséquentiellement, il doit se dire, bien se dire, si je claire tout le monde, ils n'auront pas d'argent, ils n'achèteront pas mes autos. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des robots qui fabriquent des autos si je n'ai aucun humain pour les acheter. Oh, il pourra faire des robots pour les acheter, pour les conduire. Alors, si on parle d'une société intelligente, nécessairement, l'argent va disparaître. Ce n'est pas la carte magnétique qui va le remplacer. La carte magnétique, c'est en attendant. C'est pour vous faire consommer plus. C'est pour que les pauvres deviennent plus pauvres. C'est pour ça. Le pauvre, lui, veut jouer au riche. Pour jouer au riche, c'est qu'il achète ce que le riche a. La petite carte magnétique, elle va simplement permettre à ceux qui sont riches de devenir plus riches, parce qu'eux autres, ils créent des besoins, ils créent des nécessités. Vous avez vu l'histoire du gars qui est avec ses chaises? Bien là, on vous invite à manger chez vous, un peu plus. Alors, en vous donnant une carte magnétique, bien, tu vas y aller. Une chose qui est certaine, que n'importe quelle personne qui économise sait, si tu as 10 piastres dans tes poches, tu vas dépenser 10 piastres. Puis si tu as 100 piastres dans tes poches, tu vas dépenser 100 piastres. La meilleure chose pour le dépenser, c'est qu'il ne soit pas dans tes poches ou dans ta sacoche. Alors, si maintenant c'est votre carte magnétique, tout votre compte en banque est dans vos poches ou dans votre sacoche. Alors, nécessairement, il va y avoir un gros problème. Ça, c'est une affaire que... Puis quand un commerçant va nous dire, « Ah, moi, je ne prends pas d'argent, je prends une carte magnétique, il dit, parfait, moi, je n'achète pas chez toi, c'est tout. » Vous allez voir, comme les aliments irradiés, on va avoir de plus en plus des aliments biologiques, bien, comme ceux qui vont accepter la carte, il va y en avoir d'autres qui vont prendre de l'argent. C'est pas un problème. Alors, parce qu'il faut faire attention, c'est une peur que l'humain se fait que maintenant on va jouer avec des chiffres, qu'il n'y aura plus d'argent, il va circuler, ça va être des numéros, des chiffres, des ci, puis des ça. On n'en est pas là, puis on n'en arrivera pas là, parce que l'humain s'en va vers un être humain intelligent. L'humain va devenir juste suffisamment intelligent, juste à temps, pour finir par comprendre qu'on a une société, et la société au complet, elle a des besoins. Ces besoins-là, si on les divise, on robotise le travail, nécessairement chaque citoyen devient plus libre d'attendre. L'argent n'est pas un problème, encore une fois. C'est évident que présentement, on est dans une petite salle. Je dis cela à une petite tribune. Ça ne change rien qu'on ait ainsi pareil le monde de la mort, donc les forces astrales de certaines choses. Et ça va aller grouiller les neurones de certains personnages. À un moment donné, on pourra le dire plus loin. Mais une chose qui est évidente et qui est sûre, c'est que si chaque citoyen d'une société comprend ce que la société doit être pour que chaque citoyen aille ce qu'il veut avoir, bien nécessairement, on n'a pas besoin d'argent, on n'a plus besoin de pauvres, on n'a pas besoin de riches. Tout est gradure. On a suffisamment de technologie pour que la majorité de tous nos emplois soient faits par la robotique. À quoi ça nous sert de passer notre temps à chercher à faire de l'argent? Moi, je suis gérant de banque. Je prête. Oui, mais tu prêtes à qui? Tu prêtes pour faire de l'argent à quelqu'un qui achète une maison puis qui la revend, qui profite, fait de l'argent. Tout marche parce qu'on veut faire de l'argent. Mais à un moment donné, moi, je ne suis plus gérant de banque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui emprunte. Pourquoi? Parce qu'ils ont toutes leurs maisons. Étant donné qu'on ne crée pas des sociétés de consommation, ils ne veulent pas changer de maison tous les 5 ans. Ils ne veulent pas changer de soulier tous les 2 semaines. Puis de toute façon, même si vous voudriez changer de soulier tous les 2 semaines, ce que j'ai à faire, c'est faire des robots qui vont les bâtir, les maudits souliers. Et c'est juste parce que l'être humain ne veut pas perdre son emploi, il perd sa société puis il perd sa vie. Mais ça, ce n'est pas la faute de un, c'est la faute du système. Le système, il est changeable, c'est le un qui change le système. C'est long quand il n'y en a qu'un, ça commence quelque part. La petite carte magnétique, ce n'est pas une solution, c'est une imbécilité. Elle va lentement apparaître. Je ne dis pas que c'est une imbécilité tant qu'il y aura de l'argent. Pour remplacer l'argent, c'est ridicule. On aura plus de monde pauvre. Et plus il y aura de pauvres, les riches, vous en pas, ils vont s'en rendre compte vite. La société avec. Plus le peuple devient pauvre, plus le riche devient pauvre. Ça fait pas long qu'on va s'organiser pour changer le système pour enrichir au moins une certaine quantité de gens. C'est essentiel. Très essentiel. Alors, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné si les individus deviennent suffisamment brillants? Eh bien, il va se passer, comme je vous expliquais tout à l'heure, que ça va être un système tout à fait différent qu'on n'a jamais connu sur la planète Terre et qui ne peut pas exister tant qu'il y a des animaux humains pour contrôler la société. Tant qu'il y a des êtres humains qui ne fonctionnent que par système émotif, par sécrétion endocrinienne, et qui ont toujours peur et ceci et cela. Comme on a passé combien de temps à se demander si on embarquait avec le système spatial américain? La question ne devrait jamais se poser, c'est évident qu'on embarque. Le Canada a toujours suivi les États-Unis. Là, on a fait une grosse réflexion pour donner l'impression qu'on choisissait. On choisit absolument rien. Avec toutes les pressions en dessous qu'ils vont faire, et puis en plus, c'est intelligent de travailler à un système spatial. Parce qu'à un moment donné, on va pouvoir développer, même si c'est militaire, on va pouvoir développer des technologies qui vont nous permettre, lorsqu'on va spécifier, d'être suffisamment en avance technologiquement pour continuer à faire un chemin. Si on embarque dans rien au nom du fait que c'est militaire, présentement, c'est l'armée américaine et de d'autres pays qui dirigent l'évolution technologique des sociétés. Si on ne les finance pas, on ne finance pas l'armée, je comprends, mais on ne finance pas non plus l'évolution technologique. Le Canada, comme Montréal, si ça devient spatial, on verra à un moment donné, c'est évident qu'il y aura ici une évolution technologique hors pair parce qu'ils vont participer à un projet de base spatiale américaine et même s'ils mettent 3-4 lasers dessus. Puis après, c'est pas ça qui va nous tuer. Pour détruire l'homme, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils font 1/10 de l'armement nucléaire planétaire. Alors qu'on investisse dans des lasers, dans des navettes spatiales, c'est pas ça qui va nous détruire. Notre faculté de se détruire est déjà accomplie. Il y a une chose avec que l'homme ne sait pas. L'homme, il se demande souvent s'il y a d'autres habitants comme nous autres. Il y a une affaire très intéressante. C'est que toutes les sociétés, les phénomènes scientifiques n'ont jamais reçu de message. La majorité de toute l'expérience humaine qui a été faite sur toutes les planètes depuis 15 points et quelques milliards d'années a toujours abouti à la même chose. Un animal sur une planète réussit à supplanter les autres. Lentement, il devient intellectuel, il accumule de la mémoire, il devient amifié. Donc, il a une âme. Ayant une âme, il a de l'ego. Ayant de l'ego, il s'identifie. S'identifiant, il se prend pour un autre. Se prenant pour un autre, il veut du pouvoir. Ayant du pouvoir, il manipule les autres humains, les autres de son espèce. Il manipule la matière. Il se développe technologiquement. Puis à un moment donné, on n'en entend plus parler. Tous ces animaux humains, sur différentes planètes depuis les 15 milliards d'années de la création de notre système universel, eh bien, l'animal a un problème, c'est qu'il se détruit rendu à un certain point d'évolution de sa technologie. Tant que l'animal humain n'a pas la technologie suffisante pour s'annihiler, il reste vivant. Puis à un moment donné, il devient merveilleusement technologique et il se détruit. Cette planète, elle peut subir le même sort. Les extraterrestres, il n'y en a pas plein partout. Il y en a qui en voient, d'accord, il y en a qui voient des Vierges Marie, puis il y en a qui voient d'autres choses. Bon, chacun voit ce qu'il veut voir. Ces phénomènes sont existentiels, pas comme nous le pensons. Ils sont moins évolués. Sauf que tout du moment qu'il y a un corps biologique qui devient intellectuel, il commence à développer une technologie, et à un moment donné, il a peur. Ce qu'il faut qu'on fasse, on doit évidemment nécessairement embarquer avec le projet spatial américain. Pourquoi? Parce que si on donne à l'être humain une autre raison de vivre, il y a des chances que son système militaire serve pour l'extérieur. Ces colons, on va aller conquérir le reste. Mais au moins, on aura resté vivant sur la planète. On aura le temps après de s'assagir. On a toujours plus de temps quand on reste en vie. Et quand on se tue. Hubert Benoît, dans son livre « Le principe suprême », fait la distinction entre l'état émotif dynamique et l'état émotif statique, c'est-à-dire entre l'émotion et l'état émotif. Est-ce la même distinction que vous faites entre les émotions et les sentiments? Je n'ai pas lu son livre, on va vous dire que ce ne sera pas long, donc on repose la question. C'est-à-dire entre l'émotion et l'état émotif. Ça se rapproche. Le sentiment est quelque chose qui est... C'est que l'état émotif est déjà perçu par l'ego. Le sentiment n'est pas perçu par l'ego. Alors, on pourrait dire qu'on a le sentiment, on a l'état émotif, on a l'émotion. C'est bien l'état émotif, c'est bien. Il semble prouver qu'il y a des rives des continents et la côte américaine sont moulées sur les côtes européennes et africaines. Où est donc l'Atlantide? C'est très simple. L'Atlantide, j'ai déjà expliqué, et c'est relativement bien connu au niveau de l'ésotérisme, que l'Atlantide a été... Elle recouvrait une grande partie de l'Amérique, une grande partie de l'Europe et quelques îles qui flottaient sur une mer de brume. Alors, nécessairement, lorsque l'Atlantide est disparue, c'est lorsque l'Atlantide a été scindée. Une partie de l'Atlantide s'est enfoncée. Le reste n'était plus l'Atlantide parce que trop séparé. La majorité des continents, tous les ésotéristes savent très bien qu'il y a eu à l'époque où on avait seulement une seule Terre de surface auquel tout était relié. La première Terre de surface, celle qui n'a jamais été scindée en deux, le bouclier canadien. C'est pourquoi ceux qui vivent dessus sont appelés à faire quelque chose de particulier. À chaque fois qu'un continent a disparu, bien souvent on parle du terme enfoncé. À chaque fois qu'un continent a disparu, soit parce qu'il a été... Et nécessairement, c'est pourquoi, depuis quelques dizaines d'années, parce qu'on s'en va vers la fin d'un cycle particulier, qu'énormément d'humains sur la planète vibrent que le Québec est une terre promise. Et là, ça veut migrer, ça migre. Quand ils arrivent ici, il y en a beaucoup qui sont déçus. Ils savent pourquoi ils sont déçus. Mais ce qu'ils attendaient était plus grand. Mais ce qu'ils attendaient était inconscient. C'est une terre promise. Une terre promise, c'est encore dans quelques années. Québec va jouer le rôle qu'il a déjà joué 6 fois jusqu'à date. Parlez-nous du pouvoir de l'énergie pyramidale. Est-ce que les fruits placés en dessous ont meilleure saveur? Merci. Bon, il y a deux formes d'énergie pyramidale, n'est-ce pas? Il y a la pyramide humaine, où est-ce que celui qui est en haut s'enrichit, puis ceux qui sont en bas espèrent. Bon. Si vous me donnez toutes 100$, puis après ça, quand c'est fait, bien là, on en choisit un autre, puis on lui donne toutes 100$, puis quand c'est fait, on se pousse tous les deux, puis ils vous arrangent ensemble. La pyramide, elle a une onde de forme particulière qui momifie. Momifier veut dire restaurer l'énergie vitale de base pour permettre à la forme de rester ce qu'elle est. Placer un corps humain sous une pyramide, dans un secteur particulier de la focalisation de son onde de forme, on restructure l'énergie vitale du corps physique de façon que le corps ne s'oublie pas et l'individu reste momifié. Dormir sous une pyramide devient absurde parce que lentement, on se momifie. Placer des grains, des fruits ou des choses comme ça sur une pyramide, c'est un silo. Il n'y a rien de mieux. Une pomme qui n'est pas trop ou qui est passée un petit peu date ou quoi que ce soit, elle peut nécessairement rajeunir. C'est-à-dire que la structure vitale de son corps va être restructurée. La pomme peut être mangée. Si on prend une lame de rasoir qui est un peu amochée, on la met au point focal de la pyramide, elle redevient affûtée. La scie, elle n'a pas été trop maganée. Pourquoi? Parce que la mémoire vitale est restaurée. Donc, les atomes de fer se replacent. Mais la pyramide, ça sert de silo. Un dôme peut servir d'habitation, pas une pyramide. Où trouve-t-on des gens dans notre société avec qui l'on peut coopérer sans arrière-pensée? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Où trouve-t-on les gens avec qui on peut coopérer sans risque, sans problème? Présentement, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que l'être humain, dans son association collective, au niveau de l'astral, au niveau de sa psychologie, ramasse tout ce qu'il peut sur le dos de tous ceux qu'il peut. Et tout le monde aura des raisons intelligentes. Il faut bien que je vive. À un moment donné, moi, je deviens propriétaire d'un magasin d'automobile. Alors, j'ouvre mes portes un lundi matin. J'ai 25 amis, les 25 se présentent. Il faut tout que je le vende le char sans profit. Fait que là, je leur explique que je peux pas. Là, on m'explique que je suis chien. Là, on m'explique qu'ils pensaient que j'étais un vrai chum. Puis là, je leur explique qu'il faut que je vive. Et puis ci, puis ça, et puis ça. Le problème, c'est qu'on doit en parler. Il y a une chose que j'explique de temps en temps à ceux qui ont fait mon séminaire. D'ailleurs, dimanche, il y a eu une conférence là-dessus, une conférence assez brassante sur le phénomène. C'est que toute notre vie est agencée en fonction d'une évolution à court terme. L'être humain, ce n'est pas de la boue. L'être humain, c'est quelque chose d'autre. J'ai dit souvent que l'être humain ne se reproduisait pas. Il reproduisait des corps physiques qu'il réhabitait par la suite. Il ne se reproduit pas, il reproduit des corps. Ces corps-là vont vivre dans ce que l'être humain appelle l'avenir. Et l'avenir sera ce que nous aurons permis qu'il soit. Au niveau financier, c'est la même chose. Le fait de commencer à en parler prépare déjà une structure de l'avenir. Le fait de commencer à chercher des individus pour parler, le fait d'échanger des services. On parle d'échange d'énergie. On est deux voisins, on achète une grosse souffleuse, puis on souffle à l'entrée. Un mois, c'est moi, un mois, c'est toi. Qu'il y ait des tempêtes ou pas, quand c'est mon mois, je souffle. J'ai travaillé avec un de mes amis, lorsque je travaillais pour Urgence Santé. Lui, il aimait conduire, il aimait s'occuper des patients. Moi, j'aimais conduire, j'aimais m'occuper des patients. Alors, à chaque appel, on changeait de chauffeur. On était la seule équipe qui est arrivée à le faire sans jamais chicaner. Pourquoi? Parce qu'un appel, c'était que du moment qu'on avait reçu un numéro d'autorisation d'Urgence Santé pour accomplir l'appel, c'était un appel. Alors, à un moment donné, je me place au volant, on est en attente, et puis on reçoit un appel. Quand on veut prendre le numéro d'autorisation, du moment que c'est pris, on allume les gyrophares, puis ils nous rappellent, puis ils nous cancellent. C'est pas un appel. Il y a eu les numéros d'autorisation. C'est un appel. L'autre, il est tout content. Là, on change de place. Parce que je change de place et je m'en fous, n'importe quand, c'était clair, clair, clair. Ça a toujours été clair, tout le temps qu'on a travaillé ensemble. Alors, j'ai ma souffleuse. Le mois de janvier, c'est moi qui souffre. En février, c'est toi qui souffre. Si vous vous associez à quelqu'un qui veut séparer le soufflage en deux dans l'année, l'hiver, si vous autres qui soufflez, puis l'été, c'est lui. Faites pas ça. Il y aura toujours des individus suspects. Mais c'est pas de sa faute. C'est de la vôtre. On est gens convenables. Notre vie, notre évolution, on doit l'envisager, non pas pour les 10 prochaines années, mais pour les 200 prochaines années. Comprenez bien ce qu'il faut faire. On est toujours en train d'envisager toute notre structure de vie à partir de maintenant jusqu'à notre mort. Après, on s'en fout. Il y a un problème, c'est que ceux qui meurent dans un an, dans 6 mois, ils s'y pensent comme vous autres, mais lentement, là, ceux qui nous entretiennent, ils vont partir. Ils vont nous laisser carrément avec nos problèmes. Puis nos problèmes, on se dirige vers en maudit. Et puis si, par hasard, par un hasard absolument pénible, la réincarnation existe, bien, vous allez revenir dans ce que vous allez avoir laissé. Puis il faut qu'on cesse d'avoir une attitude, la finance, l'argent, la matière. On devrait être une planète parfaitement correcte. On a tout ce qu'il faut. Au Canada, on a même de grands égouts qui servent juste à acheter le lait qu'on fait de trop. On a des grands incinérateurs à faire brûler le grain. Parce que si on le vend, on baisse les prix. S'il y en a trop, il y a plus d'offres que de demandes, les prix baissent. Fait qu'on le détruit. Ça, c'est économique. C'est rentable. Comprenez le problème. Il y a un maudit problème. Pour rencontrer des gens convenables, eh bien, on doit commencer à parler. On doit s'arranger avec notre voisin. On doit faire ceci, faire cela. Imaginez deux voisins dans un HLM qui n'ont pas d'aspirateur. Pourquoi ils n'achètent pas un ensemble? Ah, ben, ils vont chicaner. Ben, c'est ça. Ils continuent à respirer la poussière. Ben, non, ils en achètent des petits. Ce serait tellement facile. Puis c'est pas de devenir, de faire une communauté ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Moi, j'achète l'aspirateur, puis toi, tu achètes d'autres choses. L'humain ne veut pas travailler ensemble. L'humain veut travailler, il veut avoir tout chez lui. Savez-vous combien qu'il y a de laveuses puis de sécheuses à Montréal? Pourquoi qu'on n'a pas un service à la place qui lave le linge? On n'est pas organisé. On veut chacun nos bénets, nos petites bébelles. Il y a énormément de choses qui sont solutionnables, mais la seule affaire qu'il faut juste commencer par en parler. Quand on commence par en parler, l'être humain qui s'enligne pour 100 ans, 200 ans, bien nécessairement, il va bénéficier beaucoup plus vite. Et si, là, il se laisse du temps, là, au moins, il commence à relaxer. Relaxant, il va avoir les idées plus claires, il va être plus rapide, plus capable de ramasser les bonnes opportunités, puis il va avoir le temps de vivre. Mais parce que c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Prenons l'exemple du projet Upstart. Il y avait une réunion dernièrement. Et puis, il y a des personnes qui disaient, oui, mais dans combien de temps? Tu sais, c'est dans 10 ans, moi, je ne suis pas intéressé. Mais ça, notre vie, après 4,5 milliards d'années de rotation de notre planète sur elle-même, notre vie, nous autres, les habitants de la planète en tant qu'humains, se résume à dire, 10 ans, je ne suis pas intéressé, moi. Je vais travailler là-dedans, là, puis c'est eux qui vont bénéficier. Ha! Voyons donc. Mais non, on est à Montréal. On parle de faire un projet laboratoire. dans lequel on pourrait appliquer des solutions technologiques, des solutions financières, où justement où l'humain n'aurait pas besoin d'avoir de la pièce. Un paquet de choses, et puis ceux qui veulent absolument participer, il faut que ce soit prêt dans 6 mois. Bien, ce ne sera pas prêt dans 6 mois. 6 mois de plus que ce que l'humain veut bien. Où on peut trouver des gens convenables? C'est très simple. Très simple. Je suis convaincu que si parmi vous autres ici, vous comprenez l'intelligence de rencontrer des gens convenables, avec qui vous allez être capable d'échanger des services pour avoir plus de temps et ne avoir moins besoin d'argent, bien, si vous comprenez ça, vous allez sans doute comprendre l'intelligence que vous n'avez, vous autres, qu'à devenir convenables. Et puis, il y aura au moins des gens convenables. Puis, si nous autres, on est convenables, puis qu'on ne connaît personne d'autre de convenable, ce n'est pas une raison. Soyons convenables, puis devenons contagieux. Puis devenir contagieux, ça veut nécessairement dire commencer à faire certains pas. Mais on fait des échanges d'énergie. L'individu doit comprendre. Alors, si moi, à un moment donné, je dis à l'autre, écoute bien, achète pas telle affaire, j'en ai un. Fait que moi, tu le prêtes de temps en temps, mais si moi, j'ai besoin de telle affaire, puis l'autre va dire, ah, moi, pas intéressé, tu sais, j'aime bien avoir mes bebelles, comme ça, quand c'est cassé, ben, j'ai pas personne à qui chialer, puis. Ben, qui a pas chialé. Moi, si je prête mon char à quelqu'un, il y a un accident avec. Ça fait partie des risques de prêter son char à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de chialer. S'il casse, ça fait partie des risques. Puis s'il est brillant, ben, c'est lui qui va payer pour réparer ce qui est cassé. J'ai vraiment pas m'en faire. C'est même plus simple. On doit risquer de faire confiance à l'homme. Êtes-vous capable de faire confiance à l'homme, à la femme, aux enfants? C'est très tough. C'est très dur. On fait confiance avec des papiers aujourd'hui. Avant, on faisait confiance avec une parole. Alors, commencez par avoir une parole qui va se tenir, et puis lentement, il y aura déjà au moins plus d'une centaine d'humains qui auront changé, et puis il y aura de plus en plus des personnes qui vont devenir contagieuses. De toute façon, j'ai pas fini de faire des conférences, j'ai pas fini d'écrire des livres non plus. Il faut commencer. Le problème, c'est qu'on pense toujours que parce qu'on est tout seul, il n'y a rien qui va se commencer. Et ça, c'est un gros, gros, gros, gros problème. Le gars qui a commencé à faire des chaises, là, bien, il a conquis tout ce qu'il avait à conquérir. Il a eu la paix. Monsieur Kem, vous vendez très bien, merci, mais comment acheter votre produit sans argent? Ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui vends mes produits, mais une chose certaine, c'est que quand on est intéressé à avoir quelque chose, on s'organise pour l'avoir. Puis de quelle façon? Je trouve ça des façons. Concrètement, comment payer pour votre séminaire peut me rendre riche? Sinon, pourquoi le faire? Alors, on revient encore à la même chose. La majorité des personnes qui font mon séminaire, ce sont des personnes riches. Pas à cause du prix. C'est le centre qui ne veut pas que j'augmente. Ça fait longtemps que moi, le séminaire aurait été doublé. Ce sont des personnes riches. Pourquoi? Parce qu'apparemment, l'argent, la richesse, ne leur amène pas ce que le séminaire peut leur amener. Personne, la seule raison logique de faire mon séminaire, c'est de devenir riche. Sinon, pourquoi le faire? Mais une chose qui est certaine, c'est que l'être humain n'est pas venu au monde pour être riche, pour mourir après. La richesse, elle nous permet, et la richesse, elle est utile que si tout le monde est riche. La richesse ne sert à rien dans un monde pauvre. Il n'y a rien à acheter. Et l'argent ou la richesse nous permet de pouvoir accomplir ce que nous devons faire en tant que vivants. Si je reste dans un endroit où je n'ai pas besoin d'acheter de bouffe, je n'ai pas besoin de payer de loyer, je n'ai pas besoin d'acheter mon énergie pour me transporter, je n'ai pas besoin d'acheter mon linge, je n'ai pas besoin d'argent, je suis riche. Mais l'humain pense toujours que riche, c'est de lui posséder les choses. C'est pas ça être riche. On dit, est-ce que vous avez peur de manquer d'eau? Parce que le Québec n'a plein d'eau. Alors, on n'accumule pas l'eau. On n'en remplit pas sa cave. Sauf de temps en temps, une fois par année. Bon. Mais l'argent, c'est la même chose. Celui qui veut devenir riche n'a foutrement rien compris à la vie. Rien. L'argent est bon pour nous supporter. L'argent est bon pour nous permettre de faire des choses parce que dans le système actuel où nous sommes entourés de personnes qui ne travaillent que pour de l'argent. Fait que c'est bien simple. Donnez-leur leur bout de papier Vous arrivez après ça, ils vont vous prêter leur avion pour aller voyager. Vous arrivez dans une place, le gars, il y a une belle maison, et puis lui, il appelle ça un hôtel. Donne-y son maudit papier, puis il va te coucher. Pendant que lui, il ramasse le papier, toi, tu visites le monde. Pendant que lui, il ramasse le papier, ben, tu voles dans le monde. Il y a deux manières d'être riche. Il y a celui qui ramasse son papier, puis je l'ai rencontré, moi, du monde, qui était jaloux de ce que j'avais fait. Yo, j'étais jeune, c'est ça. Je connais des personnes, moi, qui partent faire le tour du Canada puis des États-Unis avec 10 piastres, puis quand ils reviennent au bout d'un an, ils ont 50 piastres. Mais ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas assez d'argent pour le faire. Il y a toujours un temps où on n'a jamais assez d'argent. Parce que plus on en ramasse, plus on se rend compte qu'on a travaillé pour le ramasser. Alors finalement, on ne le dépense pas parce qu'il y a de la sécurité là-dedans. Quand j'aurai 1000 piastres, quand tu l'as, pas beaucoup. Quand j'aurai 10 000, quand tu l'as, ben là, il ne faut pas faire de folie, là, quand même. Quand j'aurai, et là, on revient rejoindre les personnes qui ont 40 ans et plus, qui ont peut-être une maison, qui ont peut-être plein de choses, puis qui sont pauvres. Ils n'ont pas ce que les jeunes ont. Ils t'emmènent dans des belles automobiles. Le jeune fait le tour du monde, pas eux autres. Parce qu'à force de ramasser de l'argent, on perd notre temps, on perd notre corps, on perd notre santé, puis on perd une autre chose avec. C'est qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait sur la planète. Faire mon séminaire pour faire de l'argent, non, faites-le pas, vous allez être bien déçus. Faire mon séminaire pour pouvoir comprendre ce que vous faites sur la planète, comprendre ce qui vous manipule, comprendre ce qui vous charrie, vous permettre de voir pourquoi vous êtes là, plutôt que de savoir rien qu'on est là pour faire de l'argent. Faire de l'argent, oui. Pourquoi faire de l'argent? Mais quand on a une raison intelligente d'en faire de l'argent, on a une attitude rapide, une attitude de personne qui fait de l'argent. On a une raison. Si c'est pour la léguer à ses enfants, c'est pas génial. Faire mon séminaire pour faire de l'argent, non, absolument pas. La prière a-t-elle un rapport avec le système d'échange d'énergie? L'Église est-elle riche ou pauvre? Oh, que donc! C'est une bonne question. Tous les systèmes de prière qui existent présentement sur la planète et qui ont été révélés à la collectivité sont des systèmes de prière où vous placez de l'énergie dans le monde de la mort, donc dans le ciel, dans un égrégore religieux particulier, et on ne vous a jamais donné votre numéro de compte, vous ne faites pas l'activer. Lorsqu'à un moment donné, une nouvelle secte décolle, les individus veulent la créer. Alors, ils vont entourer une personne, un maître, un prêtre, un gourou, enfin, un personnage. Et puis là, ben là, ça prie, puis ça veut, puis ça s'aime, puis ça veut s'entraider. Quand un handicapé rentre dans une salle, tout le monde souffre pour lui, dans le début des sectes. Alors là, on veut donc l'aider. Et c'est toujours dans le début des sectes que les miracles arrivent. Après 3-4 miracles, toute l'énergie placée dans ces grégores-là, dans le ciel, a été épuisée. Mais là, les gens, ils veulent demander, puis ils ne donnent plus. Il n'y a plus de miracle après. Il n'y a plus. Premièrement, les gens n'ont pas les clés pour prier convenablement, mais deuxièmement, l'égrégore est vide. Toutes les égrégores, donc l'Église, par exemple, c'est la même chose. Ils font des échanges d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ramassent au coton, puis ils vous oublient. Mais si vous voulez, là, ils ne vous oublieront pas. Vous allez devoir donner en échange. Tout le temps. Et là, manière de faire une bonne prière, c'est d'ouvrir le bouchon en haut, pour que ça coule, c'est de bien bâtir le canal pour que ça aille quelque part, d'ouvrir le bouchon là où on veut que ça aille, ce que les humains font à peu près jamais, et de décider quel va être le retour vers l'égrégore, parce que sinon, vous n'aurez jamais rien. Alors, l'Église, est-ce qu'elle est pauvre ou riche? L'Église, elle est riche. Le problème de l'Église, comme le problème de d'autres Églises, c'est qu'ils ont caché les clés et ils les ont perdues. Alors, l'Église, elle est riche, mais ils ont perdu le numéro de la combinaison du coffre-fort. Elle est riche. On ne peut pas rien acheter avec son argent. Le coffre-fort est très blindé. Il faut passer par les bonnes clés. Et puis, l'Église, ben, elle les a perdues quelque peu. À votre dernière conférence, vous avez parlé de Lazare qui reviendrait pour faire partie du nouveau gouvernement des cieux. Ah oui? Je peut-être pas là. Pourquoi, si matériellement ils sont si intelligents, Dieu n'a-t-il pas choisi un de ceux-là? Bon, alors ici, prendre un des plus riches et plus intelligents, et de ce fait, tout irait bien. Alors, je vais essayer de relire. Ici, il faut faire attention pour écrire comme il faut, parce que des fois, je lis mal, hein? Donc, à votre dernière conférence, vous avez parlé de Lazare qui reviendrait pour faire partie du nouveau gouvernement des cieux. Enfin, Pourquoi, si matériellement ils sont si intelligents, Dieu n'a-t-il pas choisi un de ceux-là? Il faut bien comprendre une chose. Comme le séminaire sur la prière, les individus qui vont le faire, il y en a près d'une centaine, et les personnes qui vont le faire, bien, il y en a plusieurs qui vont être surpris. Parce que Dieu ne peut pas choisir quelqu'un d'intelligent, parce que Dieu n'est pas intelligent. Alors, en partant, il ne peut pas choisir grand-chose. Tous les dieux que l'être humain prie sont des dieux qui ne sont pas intelligents. La preuve, on doit leur dire ce qu'on veut qu'ils fassent. On les prie. On leur demande. Ils sont priés. Ils nous promettent bien des choses. Puis finalement, ils ont été plus brillants que les politiciens. Ils ont dit « après ta mort ». Les promesses. Alors, pourquoi Dieu ne prend pas les personnages intelligents pour pouvoir venir régler les problèmes s'ils sont si brillants, ceux-là? Premièrement, ceux-là sont justement très brillants et ne sont pas manipulables par les phénomènes divins. Je parle toujours des dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, les dieux dans le ciel. Je ne parle pas des phénomènes dans les cieux. C'est autre chose. Mais ça ne se prie pas, ça. On ne peut pas les manipuler. Je vais monter l'oratoire à genoux complet, le m'avoir assez souffert, c'est vrai souffrir assez à cause que je souffre, c'est vrai me donner ce que je veux. C'est ça qu'on fait. Je m'ai allumé plein de tiers. J'aime ça, chandelle, tiens, 25, 30, 40, 50, 60. Là, j'ai fait ça, alors je devrais avoir. Ça, c'est les dieux auxquels l'humain s'adresse. Ces dieux-là sont manipulés par l'intelligence. Alors, pourquoi c'est pas, etc., etc., qui vient tout régler? Il y a une chose que vous devez comprendre aussi. C'est que vous n'êtes pas sur la planète Terre pour être heureux. Vous n'êtes pas ici pour être en paix. Pourquoi? Parce que si vous seriez ici pour être heureux ou pour être en paix, il y aurait un gros problème. On pourrait prendre un personnage extrêmement puissant, qui aurait des armées extrêmement puissantes, qui viendrait vous maganer, vous massacrer de A à Z, et puis après ça, il viendrait vous imposer la paix et le bonheur. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est que l'être humain doit devenir autonome. L'être humain doit développer une conscience propre à lui. L'être humain doit devenir son seul maître. L'être humain doit lui-même comprendre l'intelligence de faire les choses. L'être humain n'est pas juste un jouet créé par un dieu qui s'ennuyait à un moment donné. C'est pas ça. Alors nécessairement, si on prend une société qu'on veut faire intelligente, et puis on oblige les individus qui sont dedans à faire certaines choses, la société est nécessairement inintelligente. Elle n'est pas intelligente. Une société n'est intelligente que si elle est construite par des humains intelligents. Alors si on prend Lazare ou si on prend n'importe quelle personne très très très brillante de sa planète, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est soit tirer leur carte du jeu, ou soit simplement attendre que l'humanité commence à se réveiller. On n'est pas ici, on pourrait se dire, oui, mais si le gouvernement, il ferait ça pour nous autres, là, on serait bien mieux. Le gouvernement, il était mis en place par vous autres, donc par nous autres. Et nécessairement, si nous ne sommes pas capables de le faire, il ne sera pas plus capable de le faire. On n'est pas ici pour être bien. Alors, nécessairement, les forces, là, si Lazare prendrait la direction de la planète, par exemple, vous n'importe quelle personne que vous voudrez. On parle du grand monarque. Il n'y a pas un grand monarque qui va arriver ici avec des armées massacrer ceux qui ne voudront pas l'écouter. C'est pas un grand monarque, ça, c'est un monarque. C'est pas pareil. Pas grande nuance. Se mettre à genoux devant lui ou devant Néron ou devant un paquet d'autres, c'est la même affaire. Il est bon pour toi si tu laves ses chiottes, sinon tu vas en enfer dans l'arène de Maclédia. Hein? Bon, ça on ne changera pas grand-chose. Un grand monarque, ça peut arriver sur la planète Terre. Ça va être un grand coordonnateur, seulement si l'être humain au complet est apte à le faire. Alors, un patron peut devenir un ami, parce que le patron coordonne les choses, mais ne donne plus d'ordre. Il ordonne en plaçant de l'ordre, mais il ne donne pas des ordres sur ta tête. Alors, quelle que soit la puissance, qu'elle soit tellement intelligente ou quoi que ce soit, elle n'a pas à dominer le monde, parce que c'est le monde qui doit dominer le monde. C'est l'homme qui doit se réveiller. Alors, de temps en temps, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, on a un petit contact, on lit un livre. Puis il reste maintenant nous autres à arriver à lutter tellement contre le monde de la mort pour arriver à l'éliminer. J'expliquais dernièrement que Satan était tout ce que nous rejetions au cours de notre évolution. Et nécessairement, on n'a pas fini de le nourrir, celui-là. On a encore bien des affaires à rejeter. Quand on aura suffisamment rejeté, puis que tout ça sera à l'extérieur, bien, ça ne sera plus avec nous autres. Il y aura bien des problèmes dehors. Où on sera correct. Puis après ça, on pourra commencer à digérer ces choses-là. Mais ça ne sert à rien de vouloir prendre quelqu'un qui va venir imposer une paix. Imaginez-vous une paix que vous n'avez jamais compris. Avant la guerre de sécession, les esclaves, ils vivaient la paix. Pendant la guerre, ils ont vécu la guerre. Mais c'est mieux qu'ils vivent la guerre. Le Christ n'a-t-il pas dit, peut-être qu'il n'a pas dit, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Bon, on doit comprendre nécessairement que dans une ville, Jérusalem, n'est-ce pas, qui est proche de là, il y a une porte qui s'appelle l'aiguille. Et c'est par là que les chameaux passent et ils sont inspectés. C'est donc, quand on parle du chameau, on peut rentrer par le chat d'une aiguille. Le chat, c'était le trou du couloir qui ressemblait à une aiguille. Il faut se placer dans l'époque. Or, c'est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'au chameau de passer par cette porte. Parce qu'évidemment, il n'a jamais pensé qu'un chameau traverserait le chat d'une aiguille. Tu prenais un bout de fil, j'avais déjà de la misère, venez-vous un chameau. C'est ton four. Bon, on parle donc de cette porte. Le riche, le Nazaréen aurait pu dire, il est plus difficile à un pourri d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'un riche, il ne parlait pas de quelqu'un qui avait une richesse. Il parlait de quelqu'un qui accumulait de la matière à l'époque des deniers, donc de l'argent. Il parlait de ceux qui accumulent de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. L'argent doit servir à vous libérer, pas à vous esclavagir. Et ces personnes-là qui ramènent plein d'argent, qui ont juste besoin de cet argent-là, ils font quoi de leur vie? Ils font rien de leur vie. Tout à l'heure, j'expliquais, la personne veut faire mon séminaire pour devenir riche. Sinon, à quoi ça vaut de le faire? Mais la personne qui ramasse de l'argent et qui ne se sert pas de l'argent, du pouvoir financier pour sa vie, elle n'évolue pas, elle ne change pas, elle ne se transforme pas. Donc, nécessairement, vu qu'elle n'évolue pas, c'est positif plus dire pour Dieu, pour elle, d'entrer au ciel ou dans les cieux, que le chameau de se faire fouiller puis de rentrer dans Jérusalem. Le riche, c'est pas celui qui se sert de la matière. C'est celui qui l'accumule et qui la stocke, la matière. Lui, c'est un riche. Le riche conventionnel, l'imbécile, celui qui peut perdre le numéro de son coffre-fort, ça ne le dérange pas parce qu'il flatte le coffre-fort. Il s'en va se coucher. Là, il y en a un qui arrive, il fait un tour en arrière, il prend tout son argent, puis il referme ça. Puis le riche, pendant 50 ans, ça ne le dérange pas, lui, il est riche. Il ne sait pas qu'il mettait l'argent depuis là. Il est content. Il fait ça, puis il est content, puis il dort. Il se sent sécure. Quand il va mourir, on le mettra dans le coffre. À quoi voulez-vous que ça serve? Or, le riche, celui qui accumule de la matière pour l'accumuler, il évolue pas, il se sert pas de sa vie, il perd sa vie. Nécessairement, attendez-vous pas à ce qu'il monte bien haut. Quand je parle de les questions, c'est parce que c'est un petit peu mal écrit, je reviens à la fin. Est-ce vrai que quel que soit l'accident, cela signifie une culpabilité? Exemple, se couper le doigt, un accident de tout, etc. Mais non. Un accident d'auto, quand c'est un autre qui vous rentre dedans, c'est qui est en coupable? L'autre ou vous? Ou le médecin qui va vous soigner? Ou l'ambulancier qui va aller vous chercher? Ou l'assureur, il faut qu'il paye pour vous? Tout le monde est pris dans l'accident. La culpabilité, c'est 90% du karma qui est donné à l'homme. C'est un karma relatif. Mais ce n'est pas une raison de le rendre à 100% et de se sentir encore plus coupable. Un accident, c'est une condition événementielle de la vie. C'est la relation qui existe entre deux choses. Et quand ça ne plaît pas, l'une des deux choses, on appelle ça un accident. Voyez-vous, dernièrement, j'ai entendu dire que, apparemment, selon certaines personnes, ceux qui ont eu leur sous-sol inondé ou leur maison inondée lors de la dernière tempête d'eau, qu'on a eu l'été dernier, c'est ceux qui contrôlent mal leurs émotions. Parce que l'eau, ça symbolise l'émotion. Il y a des personnes qui vendent d'ailleurs des cours à ces inondés-là parce que s'ils ne suivent pas le cours, ben, ils risquent de se faire inonder encore. Ça se rattache un peu à ce phénomène-là. Chaque accident, c'est parce qu'on se sent coupable. Il y aura toujours des accidents. Moi, j'ai tiré un morceau de mon chandail. Tiens, je me sens coupable de quoi? La culpabilité, elle n'engendre pas d'accident. La culpabilité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle mine votre énergie. Elle vous épuise, elle vous fatigue, elle gruge votre corps physique, elle peut vous rendre malade. Ne sentez-vous pas coupable d'être coupable, de vous sentir coupable, c'est encore pire. Mais elle n'engendre pas d'autres accidents. Comment pouvons-nous concevoir présentement, nous qui marchons debout, que parce que je me sens coupable, mon inconscient est capable de me forcer à me couper un doigt, à me couper la joue quand je me rase, à me mettre du mascara dans l'œil, à avoir un accident d'automobile, alors que... Apparemment, chez l'homme, et c'est ça qui est le gros problème, parle pas en mal, ça, tu vas l'attirer. Je me sens coupable, j'attire des choses. Toute l'énergie de l'homme ne sert-elle qu'à l'envoyer aux poubelles? Jamais il gagne à la loterie, jamais il arrive à l'heure, jamais il sert à quelque chose de positif. Alors je me sens coupable, je crée des accidents. Puis quand je me sens pas coupable, ben là, il n'y a rien de spécial. Quand je parle en mal, je le sais. Quand je parle en bien, ça vient pas. Ben non, ben là, c'est à cause que t'as pas parlé sans bien, pas assez positif, mais non, tu l'as pas de l'avoir. On en met des raisons. La culpabilité, ça nuit à l'être humain, c'est la manière que toutes les forces astrales se servent pour le manipuler. Ils disent à l'être humain, vous avez un libre arbitre. Et servez-vous-en convenablement. Parce que l'être humain n'a pas de libre arbitre, puis qu'on le manipule, nécessairement, il s'en sert pas convenablement. Puis là, on lui dit, t'es coupable. Alors, l'humain évolue pas. L'humain est à quatre pattes à terre, puis l'humain est écrasé par la culpabilité. Vous savez que l'évolution, c'est très important. Tout le système financier devrait servir à l'homme, pas à lui, pas au système financier. Ramassez les papiers, ramassez-en des papiers, figurochez-les. Un jour, j'étais dans la jungle avec une personne qui me réclamait 2 quetzals. J'étais dans les lagunes du Petekbatum, puis finalement, elle m'a demandé, là, quand j'étais rendu là, elle m'a demandé si je peux y prêter une banane. Là, j'ai remis ces 2 quetzals. Puis là, dans la pirogue, ben, ces 2 quetzals, elle ne peut pas les manger, puis elle a mangé. L'argent, ça vaut. La semaine prochaine, le grand piège de l'évolution. Le grand, c'est pas l'argent. C'est quelque chose de bien pire que l'argent. Que l'argent nous amène, puis c'est là qu'on la dépense. Si ça vous intéresse, on vient. Alors, en attendant, dépensez pas trop.